Radiomatique. amorcé la transmission 417 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique de l'artiste américaine Holly Herndon. Nous entendions la chanson Unequal qui se retrouve sur son troisième album, Platform, paru en 2015. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Sneaker Pimps d'assurer la continuité à Audiomatic. Always in doubt, works on me. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three. Audiomatic, c'était le duo polonais Skalpel et la pièce Break In qui se retrouve sur son premier album qui est homonyme et qui est sorti en 2004. Précédemment à Skalpel, il s'agissait du duo Tomaga, formé de la percussionniste italienne Valentina Magaletti et du multi-instrumentiste britannique Tom Relleen, qui est décédé en août 2020, 7 mois avant la parution du dernier album de Tomaga, Intimate Immensity, paru le 26 mars 2021, et duquel est tirée la pièce que l'on entendait, soit The King of Naples. Et le groupe britannique Sneaker Pimps débutait cette séquence musicale avec la chanson Flowers and Silence, parue sur son deuxième album Splinter, lancé en 1999. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste norvégien Eivind Orseth. Thank you. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic, au duo britannique Left Field qui nous offrait la pièce Fat Planet, ici remixée par Dave Clark. Cette version est tirée de l'album Stealth Remixes, qui comprend des versions remixées de pièces se retrouvant sur le deuxième album de Left Field, intitulé Rhythm and Stealth, paru en 1999. Tout juste avant, nous écoutions le groupe américain Sunlux, qui a débuté en 2008 comme projet solo de Ryan Lott, pour devenir un groupe en 2015. Nous entendions la chanson « Do », qui est une pièce qui a été composée lors de la création du premier album de Sunlux, « At War with Walls and Mazes », mais qui n'avait pas été retenue à l'époque. On peut retrouver cette pièce sur l'album « Remnants », lancé en 2019, qui est en fait une collection d'enregistrements rares et inédits de Sunlux, couvrant la période allant de 2008 à 2017. Ces enregistrements comprennent, entre autres, des pièces commandées pour la danse, des réimaginations drastiques de chansons existantes de Sunlux et trois extraits inédits du premier album de Sunlux, At War with Walls and Mazes. Et pour commencer, c'était le guitariste de jazz norvégien Eivind Horset et la pièce Wanderlust, qui comprend trois parties de City Awake, Overgrown et View from Above. Cette longue pièce est tirée de son album IE, la lettre I, point la lettre E, donc IE, qui était lancé en 2015. Donc, en conclusion de cette transmission 417 d'Audiomatic, nous avons décidé de terminer avec l'artiste américaine Julia Halter et sa chanson Vasquez, qui fait partie de son quatrième album studio, Have You in My Wilderness, lancé en 2015. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Julia Halter et la chanson Vasquez. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Running away again. I put you now.